Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 20. De la bonté et de la malice dans les actes extérieurs. L'acte extérieur dans ses rapports avec l'acte intérieur de la volonté, de l'identité de ces deux actes, ce que l'acte extérieur ajoute de l'acte intérieur. 1. La bonté et la malice sont-elles avant tout dans l'acte intérieur de la volonté, ou bien dans l'acte extérieur? C'est par la volonté, dit saint Augustin, que l'on est pécheur ou vertueux. Donc, au jugement de ce grand docteur, le bien et le mal moral est avant tout dans l'acte de la volonté. La fin étant l'objet propre de la volonté, il est clair que, quand un acte extérieur tire sa bonté ou sa malice de son rapport avec une fin, cette bonté ou cette malice est d'abord dans l'acte intérieur de la volonté, d'où elle découle ensuite dans l'acte extérieur. Faire l'aumône par vaine gloire est une mauvaise action. Il n'en est pas ainsi lorsque la bonté ou la malice de l'acte extérieur dérive de son espèce même et de ses circonstances. Ici, la valeur morale des actes émane de la raison plus que de la volonté. C'est pourquoi, si on considère la bonté de l'acte extérieur comme déterminée et conçue par la raison, elle est antérieure à celle de la volonté, mais si on la prend dans l'exécution d'une œuvre, elle suit la bonté de la volonté qui est son principe. Note. L'acte extérieur est l'objet de la volonté, en tant qu'il lui est proposé par la raison. Aussi, sous ce rapport, sa bonté précède la volonté, mais, en tant qu'il consiste dans l'exécution d'une œuvre, sa bonté suit la volonté. Fin de la note. 2. La bonté ou la malice de l'acte extérieur dépend-elle totalement de la bonté ou de la malice de la volonté? Saint Augustin a dit, il y a des actions qui ne peuvent se justifier ni par la bonté de la fin, ni par celle de la volonté. Le mal résulte d'un seul défaut, le bien, pour être absolument bien, exige une bonté complète. Lorsque la volonté est bonne dans son objet et dans sa fin, l'acte extérieur est bon, mais, pour cela, il ne suffit pas que l'intention de la volonté soit bonne, il faut, en outre, que l'acte voulu soit conforme à la raison. Note. La volonté pêche non seulement en se proposant une mauvaise fin, mais en se portant à un acte mauvais. Fin de la note. 3. La bonté ou la malice de l'acte extérieur est-elle la même que celle de l'acte intérieur? Quand la bonté ou la malice de l'acte extérieur ne provient que de la fin, la bonté ou la malice est la même dans l'acte intérieur et dans l'acte extérieur. Mais, lorsque l'acte extérieur est bon ou mauvais en lui-même, c'est-à-dire dans sa matière ou dans ses circonstances, autre est la bonté de l'acte extérieur, autre est celle que la volonté tire de la fin. La bonté de la fin rejaillit, toutefois, sur l'acte extérieur, et la bonté de la matière et des circonstances sur l'acte intérieur, comme nous l'avons déjà dit. 4. L'acte extérieur ajoute-t-il à la bonté ou à la malice de l'acte intérieur? Si l'acte extérieur n'ajoutait rien à la bonté ou à la malice de l'acte intérieur, l'homme s'efforcerait vainement de joindre les œuvres à ses bonnes intentions. Parle-t-on de la bonté ou de la malice qu'un acte extérieur, indifférent en lui-même, tire uniquement de la fin qu'on se propose? Un tel acte n'ajoute rien à la volonté, à moins qu'il ne contribue à l'affermir dans le bien ou à la rendre plus obstinée dans le mal, et ceci, du reste, peut arriver de plusieurs façons, car, premièrement, l'intention répétée est un double bien ou un double mal. Deuxièmement, L'intention qui persévère longtemps est meilleure dans le bien et pire dans le mal. Troisièmement, l'intention devient souvent plus énergique ou plus faible en se portant à des actes agréables ou pénibles. Veut-on parler de la bonté que l'acte extérieur possède par lui-même, cet acte, qui devient alors pour la volonté même une sorte de fin et de terme, ajoute certainement à la bonté de cette faculté. Toute inclination, comme tout mouvement, arrive à sa perfection en arrivant à sa fin et en atteignant son terme. Aussi la volonté n'est parfaite que tant qu'elle est disposée à agir en temps opportun. Mais si elle ne peut opérer par suite d'un obstacle insurmontable, ce défaut de perfection, qui est involontaire, n'ôte rien à la bonté ou à la malice de son acte intérieur. 5. L'événement qui suit ajoute-t-il à la bonté ou à la malice de l'acte extérieur ? L'événement subséquent a été prévu, ou il ne l'a pas été. S'il a été prévu, il ajoute évidemment à la bonté ou à la malice de l'acte extérieur. Lorsque quelqu'un songe qu'il peut résulter de son action une multitude de maux et que cette pensée ne l'arrête pas, sa volonté est par cela même plus déréglée. Si l'événement n'a pas été prévu, il faut faire une nouvelle distinction. Résulte-t-il naturellement de tel acte et arrive-t-il le plus souvent? Il ajoute alors à la bonté et à la malice de cet acte, plus une action peut produire de bien ou de maux, plus elle est bonne ou mauvaise. N'en résulte-t-il que rarement et accidentellement? Il n'ajoute pas à la bonté ou à la malice de l'acte, on juge les choses d'après ce qu'elles sont par elles-mêmes, et non d'après ce qu'elles sont par accident. 6. Le même acte extérieur peut-il être bon et mauvais? Si, par l'unité d'acte, on entend l'unité morale, il ne se peut pas que le même acte soit bon et mauvais, mais si l'on entend l'unité naturelle ou physique, cela est possible. Une promenade, qui n'est qu'un seul acte naturel, peut donner lieu à plusieurs actes moraux. Par exemple, lorsque celui qui se promène change d'intention. Markandanarchive.org 2020. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial. Partage à l'identique.